Dialogue. Journaux et livres. Écoutez. Monsieur, avez-vous les enfants de l'été? Je crois que oui. C'est bien. J'adore les livres de Sabatier et je n'ai pas encore eu le temps de lire celui-là. Mademoiselle, voici votre livre. Merci. Et toi, qu'as-tu choisi? Rien pour l'instant. Je ne vois rien d'intéressant. Je vais prendre un roman policier et des journaux. Monsieur, donnez-moi un Agatha Christie. Celui-ci ou celui-là? Celui-ci, je viens de le lire. Oui, celui-là. De quel livre m'as-tu parlé l'autre jour? Je t'ai parlé d'un livre. Oui, tu m'as dit, si tu as le temps, lis donc, j'ai oublié le titre. Ah oui, j'y suis, Le Tunnel. C'est vrai, je te conseille de le lire. Avez-vous Le Tunnel? Bien sûr, monsieur. Dépêchons-nous, nous n'allons plus trouver de place. Répétez. Monsieur, avez-vous les enfants de l'été? Je crois que oui. C'est bien. J'adore les livres de Sabatier et je n'ai pas encore eu le temps de lire celui-là. Mademoiselle, voici votre livre. Merci. Et toi, qu'as-tu choisi? Rien pour l'instant. Je ne vois rien d'intéressant. Je vais prendre un roman policier et des journaux. Monsieur, donnez-moi un Agatha Christie. Celui-ci ou celui-là? Celui-ci, je viens de le lire. Oui, celui-là. De quel livre m'as-tu parlé l'autre jour? Je t'ai parlé d'un livre. Oui, tu m'as dit, si tu as le temps, lis donc, j'ai oublié le titre. Ah oui, j'y suis, Le Tunnel. C'est vrai, je te conseille de le lire. Avez-vous Le Tunnel? Bien sûr, monsieur. Dépêchons-nous, nous n'allons plus trouver de place.